Vous lisez trop de contes de fées, votre lèvre se met à gonfler, et après 3 mois d'hôpital, votre état est toujours instable. Cette fois c'est un coup du destin, allez plage tremble.